J'ai connu des sociétés où l'on naissait quelqu'un et où l'on restait ce quelqu'un. On naissait fils d'ouvrier, on mourait ouvrier avec son identité d'ouvrier, ses habitudes d'ouvrier, ses fréquentations d'ouvrier. La trajectoire de vie tenait dans une ligne droite. Puis j'ai vu apparaître autre chose. L'homme qui commence à se penser d'abord comme individu. C'est cela que nous allons examiner. La montée de l'individualisme et l'apparition d'identités plus fragmentées. L'individualisme, en simplifiant, c'est l'idée que chaque personne compte pour elle-même. Dans les sociétés modernes, on considère que chacun possède des droits, bien sûr, une dignité, évidemment, une liberté de choisir sa vie implicitement. Autrefois, on était d'abord défini par son rang, son statut, sa famille. Aujourd'hui, il paraît normal qu'un enfant dise « je veux devenir musicien », même si ses parents sont ouvriers ou commerçants ou agriculteurs. L'idée même que l'on puisse choisir sa trajectoire est déjà une manifestation de l'individualisme. D'un point de vue plus sociologique, les individus sont de moins en moins définis uniquement par leur classe sociale. On ne dit plus seulement « je suis ouvrier » ou « je suis cadre ». On dit « j'ai eu un parcours compliqué, j'ai repris mes études, j'ai changé 3 fois de métier, je me cherche encore ». Les identités individuelles et sociales deviennent une histoire personnelle plus qu'une histoire collective. Elles se racontent, elles se justifient, elles se construisent au fil des expériences. Ce n'est plus seulement une position héritée, c'est un parcours à expliquer. Et plus les parcours se diversifient, ou mieux se complexifient, plus l'identité devient narrative, biographique, plutôt que strictement collective. Dans les années 1950, un jeune ouvrier avait de fortes probabilités d'habiter dans un quartier ouvrier, d'avoir des amis ouvriers, d'entrer tôt à l'usine, d'épouser quelqu'un du même milieu. Les sphères de vie étaient relativement cohérentes ou homogènes entre elles. Aujourd'hui, prenons un jeune issu d'un milieu ouvrier. Il peut poursuivre des études longues, travailler dans le tertiaire, fréquenter des amis d'origine sociale variée, consommer les mêmes contenus culturels qu'un étudiant de grande école. Cela ne signifie pas que les inégalités ont disparu, mais cela signifie que l'appartenance d'origine structure moins automatiquement l'ensemble de la trajectoire. Définissons l'individualisation par le fait de se libérer, de s'émanciper de son groupe social d'appartenance. Il y a bien d'autres définitions du terme. Par-delà les choix individuels, plusieurs forces sociales peuvent expliquer cette individualisation. Il y a d'abord la concurrence et la fragmentation du monde du travail. Autrefois, dans une grande usine, les ouvriers partageaient le même lieu, les mêmes horaires, les mêmes conditions, les mêmes combats syndicaux. Cela produisait une forte identité collective. Aujourd'hui, les statuts se multiplient. CDI, CDD, intérim, auto-entrepreneur, temps partiel, mission ponctuelle. Dans une même entreprise, 2 salariés peuvent avoir des conditions très différentes et il est même possible que ces 2 travailleurs soient mis en concurrence sur les promotions, sur les primes ou lors de l'évaluation personnalisée. L'identification collective devient plus fragile. Et puis s'ajoute la massification et la démocratisation scolaire. Depuis les années 1960, l'accès au secondaire et au supérieur s'est massifié. Les élèves restent plus longtemps à l'école, ils rencontrent des milieux variés, ils envisagent davantage de trajectoires possibles. Un enfant d'ouvrier peut devenir magistrat. Un enfant de cadre peut connaître des ruptures de parcours. Les trajectoires de vie deviennent moins prévisibles. Et puis, il y a aussi la mobilité géographique. Autrefois, on travaillait souvent près de son lieu de naissance, ou pas très loin. Aujourd'hui, on change plus fréquemment de ville, de région, parfois de pays. Un étudiant quitte sa ville pour ses études, puis part travailler ailleurs, puis s'installe encore ailleurs. Chaque déplacement modifie les réseaux et les appartenances, et donc la socialisation. Et je termine avec le déclin des institutions collectives traditionnelles. J'ai rencontré Anthony. Son père était syndicaliste, son grand-père aussi. Le quartier vivait autour de l'usine et du local de la CGT. Les réunions, les discussions, les grèves structuraient la vie collective. Anthony, lui, travaille dans le commerce. Fait du sport en club, regarde des contenus en ligne venus du monde entier, ne fait jamais grève, mais milite activement pour la défense de la langue ch'ti. Il circule entre plusieurs univers. Et puis, surtout, ici, la syndicalisation a reculé en France depuis les années 1970-1980. Les cadres collectifs d'identification sont moins englobants. Et, J'aurais pu d'ailleurs parler de religion ici. À ces forces individualisatrices, je ne sais pas si le terme existe, on peut ajouter le fait que la socialisation est plus diversifiée qu'hier. Autrefois, les espaces de socialisation étaient moins nombreux et plus homogènes. Aujourd'hui, un jeune peut être influencé par sa famille, son école, ses amis, les réseaux sociaux, des engagements associatifs. Les contextes se multiplient, et lorsqu'ils se multiplient, les influences aussi et les dispositions mentales par la même occasion. C'est ici que je dois vous parler de Bernard Lahire. Dans L'Homme pluriel, en 1998, il montre que nous incorporons des expériences sociales diverses. Un individu n'est pas un bloc homogène. Il est traversé par des dispositions multiples et a donc des identités multiples. Ainsi, dans la société, il y a des artisans qui vont au théâtre, des avocats qui jouent au football, des ingénieurs ou des traders qui quittent tout pour vivre à la campagne, des enfants d'ouvriers qui deviennent juges. J'ai bien connu Emmanuel Humeau. Il est urbain, mais vit désormais en zone rurale. Petit-fils et fils d'ouvriers et d'immigrés. Il appartient aujourd'hui à la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Il a été sportif de haut niveau, mauvais élève au lycée, mais excellent étudiant à l'université. Allez savoir pourquoi. Maître nageur, assistant de recherche, engagé en politique temporairement, président d'association, professeur du secondaire, formateur académique, un seul individu, plusieurs univers, plusieurs identités. Et en plus, il est très très beau, très drôle et très intelligent. Ce que son patrimoine génétique et social ne laissait pas présager. Pouf pouf. Il va pas falloir que mes parents écoutent mes podcasts. Tout cela pour vous dire que les inégalités ne disparaissent pas. Mais l'expérience sociale devient plus différenciée. Les individus se définissent davantage par leur trajectoire personnelle et même singulière et multiple. Lorsque l'identité devient plurielle, la frontière de classe devient moins évidente à percevoir et pour soi-même et dans le regard des autres. Elle devient même difficile à revendiquer. Du point de vue théorique, nous passons donc d'un monde de blocs isolés à la Marx, même à la Weber, à un monde de parcours diversifiés. Les classes sociales peuvent subsister comme outil d'analyse. Il y a bien des individus qui appartiennent à la classe des dominants, à la classe moyenne, à la classe des dominés ou classe populaire. Mais la capacité de ces regroupements statistiques à structurer fortement les identités collectives apparaît affaiblie. La notion de classe a perdu quelque chose, sa force identitaire, sa puissance mobilisatrice, sa capacité à se constituer en force agissant sur l'histoire. Et cela n'est pas un détail quand on veut comprendre le monde contemporain.